pas le dire que j'ai la peur des mots, la saveur de l'enduit quand il coule sur ta peau. C'est pour ne pas le croire que je m'inscris sans faute, car quand tes bras du noir, l'amour se sent le plus beau. Mais en fait je déconne, car putain je suis l'homme à qui la belle se donne. Je suis ce grand bonhomme contre qui s'abandonne, quitté je me pardonne, gonflé de l'air de rien, avec quoi je m'époumonne. À qui je me cramponne, à qui je m'abandonne.